C'était le jour après Noël. Quatre chroniqueurs attendaient sur Skype que leur présentateur les rappelle, mais sa ligne restait muette comme une carpe. Mais qu'est-ce qu'il fait? On a une émission enregistrée, mince. Attends, je tente de le rappeler. Ah, ça décroche. Mais c'est quoi ce délire? Je sais pas, ça vient de raccrocher. Je reteste, attends. Allô? Allô, je suis bien chez Sirf? Oui. Tu peux me le passer? Ben, c'est moi. Pardon? Ben, c'est moi, Sirf. T'es bizarre, monsieur. Mais non, Sirf. Il a 40 ans. Tu as quel âge, au fait? 10 ans. Aujourd'hui, et tu dis n'importe quoi. J'aurai 40 ans en 2015. Oh là là, mais tu vis dans quelle année, toi? En ces bonnes vieilles années 1985. Tiens, c'est curieux. Oui. Eh les gars, on en profite pour l'interviewer? T'es sûr que c'est pertinent? Bah imaginez, utilisez-vous en direct avec quelqu'un des années 80. Ouais, c'était pas bête. Bon, par contre, on te laisse faire, Mikado Twix. Hein. Bon, ok, c'est parti, les gars. Je peux te poser quelques questions sur les années 80? Grâce à ce tour du destin et ses camarades l'abandonnant, Mikado Twix débute à l'entretien avec le petit Sirf enfant. Mon petit Sirf, quels sont les dessins animés que tu regardes et surtout quel est ton préféré? Quand j'étais petit, je regardais Il était une fois l'espace. J'adorais la musique. Alors pour ton information, la musique est composée par Monsieur Michel Legrand qui est un grand compositeur et c'est chanté par Jean-Pierre Savelli qui chante également le générique de XOR. Tiens, tu veux qu'on s'écoute un petit extrait? L'infini des prairies bleues du ciel découvert comme un grand livre ouvert et la terre cette bille éphémère qui prend quand l'étoile passe sa vraie place dans l'espace infini qui devant nous dévoile ses comètes ses planètes ses le ciel, tel un rêve éternel, où le temps même s'efface, pour faire place à l'espace infini, vers lequel nous allons, plein de joie, sur les chevaux du vent, le futur, l'aventure nous font face, laisse-moi te compter. De la lumière. Je regarde tous les jours Salut les petits loups. J'aime beaucoup ce dessin animé, mais Discord me fait un peu peur dans sa grosse forteresse. Sache, jeune Padawan, que c'est un dessin animé par Jean Chalopin qui a entre autres produit Ulysse 31, l'inspecteur Gadget, les Cités d'Or et les Mini-Pousses. Sinon, en cette période de Noël, quel est le film que tes parents t'autorisent à regarder? La soupe aux choux. Mon père l'a enregistré sur son V2000. J'ai dû le voir au moins 4 fois. J'adore quand le glaude appelle à denrée. Ah, et il fait comment? Il n'a jamais mieux bas, il pète. Par contre, au cinéma, j'ai vu la bande-annonce des Goonies. Ça a l'air vachement bien et j'ai trop envie d'aller le voir. Steven Spielberg présente Les Goonies, un film de Richard Donner. Et voilà, c'est cassé, Choum. Hey, Mika, trouve une carte. Oh la vache, vous vous rendez compte de ce qu'on pourrait faire? Oh non, je ne peux plus être mêlé aux aventures à la con des Goonies. Je vous présente Mickey. Il faut que j'aille au pipi room. Brandt. Andy. Ah, la honte, ah, la honte. Allez, grand, sors-lui ta langue. C'est dégoûtant, je ne veux même pas regarder. Mouse. Pourquoi je te tiens? Allez, fous-moi le camp maintenant, t'as mis ma peinture, idiot. Tu m'as fait rater ma blague. Stephanie. Data. Les Goonies, Flash. Ow. Regardez, c'est pas génial. Et Chunk. C'est fermé. Ils se sont surnommés les Goonies. Sinon, nous sommes le lendemain de Noël. Quels sont les jouets que le Père Noël t'a apportés? J'ai commandé le château de Skeletor. Tu sais, celui avec le micro qui parle. Ah oui, celui de la sorcière en forme de tête de mort. Mais non, que t'es bête, c'est celui en forme de serpent. Et tu es content de l'avoir? Oui, mais j'avais demandé le train Playmobil et le Père Noël me l'a pas emmené encore une fois. Quand Playmobil entre en gare, le train n'est jamais en retard. Attention au départ. Le signal est relevé, le passage à niveau baissé, le chef de gare a sifflé, les wagons sont bien chargés, roule, roule, montre un fil, Playmobil, Playmobil. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu prends soin de tes jouets. Oui, surtout depuis que j'ai perdu un jouet. Bah qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah tu vois la voiture Sparky Hutch. Bien sûr. Eh ben je l'ai emmenée à l'école sans que mes parents soient d'accord et je l'ai perdue là-bas. J'étais trop dégoûtée. Et sinon, tu écoutes quoi comme chanson? J'aime bien la musique du synthétiseur comme Jean-Michel Jarre, tu connais? Ah, bien sûr, et tu as le disque? Non, mon papa voulait pas, alors je l'ai enregistré en collant mon poste cassette à l'enceinte de la radio. Et sinon, tu fais du sport? Oh oui, je joue au foot à l'USCF. Mais c'est où ça? Juste à côté de là où il y a mon équipe préférée, Châteauroux. Et ils sont forts? C'est une bonne équipe? Non, ils ont descendu l'année dernière, mais je suis confiant pour la suite. J'attends impatiemment la Coupe du Monde de 86 au Mexique, car la France est la meilleure équipe du monde, car elle a gagné l'Euro. Bossis, Baptiste Antigana. Platini. Ah oui. Ah oui. Tigana. Giret, c'est bien fait. Lacombe. Platini. Et but. Allez. But de Platini. 27e but de Platini qui rejoint dans l'histoire Justo Fontaine. Et le malheureux Quist trompé par un rebond. Michel Platini à exactement 12-13 minutes de la fin. Avec à peu près le même scénario qui a donné le tir d'Alain Giresse. Qui avait frappé à côté là. Oui. On va le revoir, je suppose. Tu sais que dans quelques années, tes joueurs préférés seront Olivier Hatton, Mark Landers et les frères d'Eric. Vachement bien avec des personnes qui sont en fait des lézards, mais j'ai eu un très peur. Dedans, il y avait un bébé, il avait une langue fourchue. Oh, je dois te laisser, monsieur. Ma maman appelle pour regarder Santa Barbara. Dès que l'enfant est raccroché, nos chroniqueurs décidèrent d'insister et de contacter le présentateur absent. Mais encore une fois, ils se perdirent dans les méandres du temps. Bon, on retente le coup là. Allô ? Ouh là là là là, c'est Papy Mougeot ? Mais non, chez moi, Sirf ! Sirf ? Mais t'as 40 ans, on a l'impression que t'es un vieux là. Mais on est en quelle année, là ? En 2045, quelle question. Pourquoi vous êtes en quelle année, vous ? Bah, on est en 2015. T'es en 2045 ? Eh ouais. Mais tu deviens quoi en 2045 ? Ah, c'est un peu compliqué, mais en gros, il y a eu l'émission Les Ch'tis à Tchernobyl, et ça a provoqué une apocalypse télévisuelle qui a déchaîné un blackout total sur les médias. Et les survivants de cette catastrophe se sont retournés vers les seuls médias libres, les podcasts. Et du coup, bah, on est devenus des mégastars. Génial. Et ouais, sinon, ouais. En parlant de télé, c'est quoi qui marche maintenant ? Ben, Michel Drucker. Quoi ? Encore ? Ben oui, malgré ses 103 ans, il est toujours pompier bon oeil, hein, le Michel. Et il présente toujours ses émissions du dimanche ? Le prix du danger, oh, bien sûr. Le quoi ? Ah oui, c'est vrai que ça n'avait pas commencé en 2015. Mais oui, il présente le jeu inspiré du film Le Prix du Danger. D'ailleurs, la semaine dernière, c'est gagné un grip en choisissant le bon chasseur qui a traqué le candidat. Et qu'est-ce qu'il a mis dans la tronche à Spades ? Hein ? Pardon ? Non, j'ai rien dit. Et côté sport, les gens ont toujours autant mauvais goût et ils aiment autant le foot ? Oh là non, le foot, c'est une histoire ancienne. Depuis le scandale du karaoké de l'équipe de France. Maintenant, on a des sports plus vrais, plus intenses à la place. Ah oui, du genre football américain ? Mais non, des tout nouveaux trucs. Le speedball et le flying power disc. Le flying power, quoi ? Tu te rappelles le jeu Neo Geo que Mikado Twix adorait ? Windjammers ! Ah oui, je m'en rappelle. Tu m'as même battu à la RGC 2015 après deux matchs où je t'avais laminé, mais c'était juste pour l'entraînement et j'étais dégoûté. D'ailleurs, c'est Mikado Twix qui a lancé la Ligue, et il est président de la Ligue internationale de Flying Power Disc maintenant. Oh, sérieux ? Oui. Mais bon, j'avoue, même si ça lui déplaît, je suis plus fan du speedball. Le speedball, comme le jeu vidéo ? Tout à fait. C'est un vrai sport viril, où les joueurs sont de véritables héros adulés par la foule. Ah, si tu savais comme j'admire Platine X, le plus grand attaquant de l'histoire de l'équipe de France de speedball. Bon, vous arrêtez de parler de sport. Si on parlait de trucs intéressants comme la musique, t'écoutes quoi en 2045 ? Oh, tu sais, avec le temps, on revient toujours à la musique classique. Ah, ça y est ! Tu t'es enfin mis à apprécier Chopin, Beethoven, tout ça. Mais non, de la vraie musique classique, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses. D'ailleurs, je me suis offert le dernier coffret de Slash. Il nous sort des sonates absolument... Ben tiens, bon, si on s'écoutait un de leurs morceaux, tu choisirais lequel ? Ah, forcément, je prendrais un morceau de AC/DC, et forcément le meilleur d'entre tous, Forces About to Rock, ou Salute You. Et sinon, comment a évolué le cinéma dans le futur ? En 2015, vous aviez beaucoup de préquels, si je me rappelle bien. Effectivement. Maintenant, on va beaucoup plus loin dans le concept. On fait des pré-préquels. C'est quoi, ça ? Tu te rappelles X-Men, le commencement ? Vaguement, oui. Eh bien, maintenant, est sorti X-Men, le début du commencement. Eh bien, c'est assez loin dans le concept, là. Et sinon, toujours autant de remakes dans le futur ? Ah, évidemment. D'ailleurs, faut que je vous lâche. Sinon, je vais rater ma séance du remake de Ghostbusters au cinéma. Le remake de 2016 ? Il ressort dans le futur ? Non, ils ont fait un remake du remake de 2016. Ah, les années 2015 sont super à la mode en 2045. Allez, je vous laisse. À plus ! Et c'est ainsi que s'achève notre aventure qui permet à nos chroniqueurs de parler à leur ami, passé, présent et futur. Eh hey, mais on n'a pas eu la visite du cirque de Noël présent dans cette histoire. C'est pas comme si vous pouviez pas lui parler tous les jours, imbécile. Ah oui, pas faux. D'ailleurs, ce numéro spécial des 40 ans de notre ami Sirf touche à sa fin. Et je souhaiterais tout particulièrement remercier Madame Sirf pour son aide précieuse et Mikado Twix Junior pour la voix du petit Sirf de 1985. Je remercie également mes chroniqueurs qui m'ont aidé à monter ce numéro un peu particulier. Fred, au nom de toute la A-Team, nous te souhaitons un très très bel anniversaire. Joyeux anniversaire! Salut Sir, c'était Nico, donc pour te faire un petit coucou pour ton anniversaire, j'ai pas pu être pour l'enregistrement de cette émission spéciale, donc je souhaitais quand même te faire un petit coucou, te souhaiter un bon anniversaire pour cette 40e année qui arrive, et puis plein de podcasts à venir, plein d'aventures, plein d'invités, plein de nouvelles choses. Ciao. Bon anniversaire, Sirf, et bravo à toi. Continue, j'espère que ces 40 ans, ça va te motiver encore plus pour aller explorer les années 80 à fond. Voilà, je t'embrasse très fort, Maud. Oh mon dieu, salut Sirf, c'est Creepers, et ce message c'est pour tes 40 ans, alors happy fucking birthday, dude! Hello Fred, écoute, c'est Imra, au cas où t'aurais pas reconnu ma voix nasillarde. Je te souhaite un très bon anniversaire pour tes 40 balais. Il y a du chemin qui nous sépare encore plus des années 80, mais incontestablement, tu excelles toujours sur cette époque. Voilà, je t'embrasse très fort, j'embrasse toute ta famille. Charlotte aussi se joint à moi, et je te dis à très bientôt. Salut Monsieur Sirf, alors c'est Yao, je te souhaite un joyeux anniversaire, ben, plein de bonnes choses pour tes 40 balais, ouais, ça fait beaucoup quand même, mine de rien, j'espère que t'as commencé à investir dans une canne, hein, on sait jamais. Sinon, continue avec l'IT, avec toute ta team, c'est toujours un plaisir de vous écouter, donc plein de bonnes choses pour tes émissions, et puis voilà, la bise, à plus. Joyeux anniversaire, grand frère, et j'espère que l'équipe de France de football de 2015 est aussi exemplaire que celle de 1985. Buzz, je te souhaite un joyeux anniversaire. Papa, tu as 40 ans, je te souhaite un joyeux anniversaire. Voilà. Alors mon chéri, pour tes 40 ans, tous les trois, nous te souhaitons un très joyeux anniversaire. Et le monde entier aussi. Des bisous. Mais sa ligne restait muette comme une carpe. Ah, je suis bien là, je suis bien. Ah, t'es chaud. Vas-y, allez, vas-y. 3, 4.